ressentir, traiter, agir correspondent au fonctionnement basique d'un organe autonome. Que ce soit un être vivant ou un organisme électronique, des données d'entrée alimentent en information des mécanismes qui les traitent avant de décider des actions à mener. Ces actions vont avoir pour conséquence de modifier l'environnement qui amènera d'autres observations suivies d'autres réactions. Le but est d'obtenir une stabilisation de la situation extérieure de façon à ce que celle-ci corresponde aux résultats recherchés. Survivre par différentes stratégies pour un être vivant ou réguler un processus pour un automatisme.